Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM ou sur internet, vous pouvez nous écouter www.fédération-du-milieu-anarchiste.org/RL. Voilà, c'est l'émission Bulle de rêve, l'émission de radio 100% animation, 2 heures uniquement consacrées au cinéma, créées en image par image. Si vous nous êtes fidèles, vous savez qu'Olivier Catrin, responsable de l'AFCA, a décidé d'arrêter l'émission pour se consacrer maintenant justement uniquement à son travail à l'AFCA. Un excellent travail qu'il fait en compagnie de Marina, Mickaël et Bernadette, dont nous parlerons, je suis sûr, souvent à cette antenne aujourd'hui. Donc c'est moi, Alexis Huneau, qui aurai le plaisir partir de mes chroniques et pour vous présenter cette émission. Et je reçois aujourd'hui un passionné d'histoire de l'animation, un réalisateur, un animateur, il va nous dire tout ça, et notamment du studio UPA, Sébastien Labadie. Une question rapide, pourquoi UPA, pas Warner, Disney ou d'autres studios? Pourquoi pas? Allez, un petit peu plus long. Rapide, mais un peu plus long. Non, d'abord, je suis pas particulièrement attaché à l'UPA. Moi, le truc sur lequel j'ai fondé depuis maintenant un petit paquet d'années tout un lot de recherches, c'est l'animation minimaliste, l'animation limitée, comme elle a pu émerger, on va dire, pendant la guerre et après-guerre aux États-Unis, essentiellement aux États-Unis, puis par la suite en Europe. Et il se trouve que parmi les figures de proue de cette esthétique, les pères fondateurs, les premiers initiateurs, il y a l'UPA, c'est indéniable, c'est vraiment parmi les premiers à se lancer dans cette esthétique. Parfait, nous allons avoir une bonne quarantaine de minutes pour que Sébastien nous parle un petit peu de tout ça. Alors, je devais recevoir ensuite Guillaume Callot, de la société Chalet Film, qui a malheureusement eu un empêchement en dernière minute. J'ai quand même réussi à l'avoir au téléphone ce matin et nous avons pu parler de ce site qui propose des DVD d'animation, notamment mon troisième invité, qui est bien là, n'est autre que Franck Dion, le réalisateur de l'Inventaire Fantôme, qui vient nous parler du DVD de son film, qui doit sortir justement chez Chalet Film. Et qui inaugurera, j'en suis très content, une nouvelle rubrique qui s'appellera Zoom, même s'il voulait au départ, ça s'appelle comment ? Que sont-ils devenus ? Voilà, mais qui était un peu trop triste. Donc on a décidé d'appeler Zoom et qui fera le point avec des réalisateurs comme Franck, que l'on aime bien à Bulle de Rêve, sur leur projet et leur manière de travailler. Bonjour Franck. Bonjour. Est-ce que sortir l'inventaire en DVD est important pour toi ? Bah, c'est intéressant pour clore l'histoire en tout cas et pour passer à autre chose, pour faire un autre film. D'accord. Donc, il y aura d'autres films. Il y aura d'autres films. On va en parler après. Et on aura même quelques nouveautés. D'abord, une intervention de notre envoyé spécial. Et oui, Bulle de Rêve se modernise à Montréal, puisque chaque mois, elle nous parlera de l'actualité en Amérique du Nord. Pardon. On commence ce mois-ci avec l'exposition de la Cinémathèque québécoise sur l'animation. Bien sûr, à la fin de notre émission, vous retrouverez les nouvelles du monde de l'animation sur l'Internet, à propos de l'Internet. Juste après, je me suis un peu trompé, excusez-moi, pour la première. Ça sera donc la nouvelle du monde de l'animation sera en deux parties. Une vers 18h15, après l'intervention de Marion, pour un peu savoir ce qu'il faut voir sur l'Internet. Le net étant aujourd'hui sûrement l'un des meilleurs alliés de l'animation, qui est toujours un cinéma qui a du mal à se montrer hors des festivals. De nombreux films et de nombreux lieux de rencontres existent sur le net. On essaiera à Bulle de Rêve chaque mois de vous faire découvrir ces lieux virtuels pour en savoir un peu plus sur le cinéma qu'on aime. Voilà, donc ça c'est un riche programme, mais en attendant, j'aimerais que vous projetiez avec moi. Vous faites un petit effort. Imaginez-vous dans 10 ans, on est à peu près en 2015, nous sommes au deuxième septennat Nicolas Sarkozy, j'entends qu'il hurle. Quel bonheur ! George Bush Junior est à la tête des États-Unis. Lance Armstrong, qui n'a pas arrêté en 2005 comme il l'avait dit, remporte son 16e Tour de France à l'âge de 44 ans et toujours sans le moindre soupçon de dopage. Quant à Christian Clavier, il remporte enfin un Oscar mérité pour son rôle du soldat français muet dans le film de Steven Spielberg sur la guerre en Irak pour la liberté. Alors malgré tout ça, vous prenez votre courage à deux mains et vous décidez, avec la personne que vous aimez, d'aller au cinéma. Vous prenez donc votre programme préféré et après avoir passé la section théâtre, les pages expo, la longue rubrique musique, le programme télé des 100 chaînes hertziennes, les différentes notules sur toutes les nouveautés en DVD et tous les procédés, nouveaux procédés haute définition, Blu-ray et autres disques sur lesquels on peut maintenant faire figurer 25 heures de films et des bonus aussi intéressants que des commentaires audio, des techniciens, des scénaristes, voire même des figurants, le making-of des scènes coupées en passant bien sûr par les bêtisiers de l'écriture du scénario qui passionne tout le monde. Donc après avoir feuilleté ces 120 pages, vous arrivez enfin à la dernière page, celle du cinéma. Et là, vous hésitez, il faut dire que vous avez le choix entre les 4 nouveautés et les 6 films en continuation qui passent dans les 3 grands complexes parisiens. Et encore, vous avez de la chance, dans la plupart des autres grandes villes, je vous rappelle que nous sommes en 2015 française, il n'existe plus qu'un seul complexe dans lequel passent les nouveautés qui sont arrêtées au bout d'une semaine d'exploitation. Mais ce n'est pas grave, car si vous avez loupé votre film en salle, 2 semaines après, vous pourrez l'acheter en DVD. Et un mois après, il passera sur l'une des nombreuses chaînes du satellite ou de nombreuses chaînes cinéma sur Internet. Bon, allez, vous me direz tous que je suis en plein délire de science-fiction et l'exploitation cinéma en France, même si elle est certes difficile, nous permet quand même de voir un nombre de films de tout style, de tout âge, chaque semaine assez important. Oui, mais voilà. C'est là où la science-fiction s'arrête, et je viens de dire peut-être pas tant que ça. En effet, un nouveau phénomène est apparu aux États-Unis environ depuis 2 ans, et il arrive maintenant en France. Les films, notamment les grands budgets, mais malheureusement on sait que c'est ceux-là qui font le plus d'argent, sortent un grand nombre de copies et font leurs entrées sur un nombre de jours de plus en plus réduit. Pour exemple, un film comme le dernier Star Wars, les 6, je ne sais plus le titre. La revanche des Sith. Merci. Franck, donc ce dernier Star Wars aux États-Unis a engrangé pour l'instant 372 millions de recettes aux États-Unis. Les 4/5 de cette recette, soit 300 millions, ont été réalisés sur 16 jours. Le dernier 5e, les 72 millions, ont par contre été réalisés sur 41 jours, soit en quasiment 3 fois plus de temps. 2 semaines, on peut le dire quasiment, suffit à Star Wars pour faire le plus gros de son exploitation cinématographique. Évidemment, vous vous doutez bien que on réfléchit du côté des producteurs et aux États-Unis et on se dit mais pourquoi finalement attendre ? On est obligé d'attendre 136 jours, soit un peu plus de 4 mois pour sortir un film qui a souvent coûté très cher. Et donc autant profiter le plus vite possible de l'argent du DVD et des télés. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais il faut réduire au minimum la fenêtre d'exploitation entre les différents médias. Et on parle donc maintenant aux États-Unis de 2 mois seulement entre les différentes sorties. Un film sort 2 mois après le DVD, et allez, un peu 2 mois et demi après, un passage télé. Mais ce n'est pas tout, car quelqu'un comme par exemple Steven Soderbergh, réalisateur de aussi bien de gros budgets comme Ocean's Eleven, ou de films indépendants plus petits comme Sexe, Mensonge et Vidéo, ou entre les deux comme Trafic, vient de signer un contrat avec une société indépendante pour créer 6 films qui sortiront à la fois au cinéma, sur le câble et en DVD en même temps. Alors les sociétés indépendantes, on pourrait croire, n'auraient pas été très, très emballées par ce nouveau système, mais si qu'elles aussi sont intéressées par ce rétrécissement de la fenêtre afin d'exploiter et de rentabiliser encore une fois le film plus rapidement. Alors, le vrai problème, car il y en a un bien évidemment, même si les différents acteurs du débat tentent de nous expliquer que les spectateurs en salle ne sont pas les mêmes que les spectateurs du petit écran, ce sont quand même des mauvaises habitudes que l'on donne aux consommateurs, et si celui-ci va encore au cinéma de nos jours, il y a quand même fort à craindre que d'ici quelques temps, plutôt que d'aller au cinéma et de payer 4 places, il préfère acheter un DVD ou de louer un DVD qui lui coûtera beaucoup moins cher. Alors, cette nouvelle donne, si elle devient effective, de moins en moins de gens au cinéma, donc de moins en moins de salles et de moins en moins de films, qui passent bien sûr, ces films, il faudra les voir en première semaine d'exploitation, sinon il sera trop tard. Et bien sûr, cela affectera la production même. Est-ce que les producteurs auront envie de prendre des risques sur des films qui jusqu'à présent ne pouvaient espérer un succès que sur le long terme ? Ces fameux films surprises qui marchent grâce au bouche à oreille, on pense bien sûr à l'année dernière au Choriste, à Mondovino dans un genre complètement différent, et tant d'autres succès. Bien sûr, du côté de l'animation, le cinéma qui nous est cher, c'est la même chose. Est-ce qu'un film comme Kirikou, qui a construit son succès sur plus d'un an, pourrait faire la même chose avec ce nouveau système ? On peut craindre que les gens avec les producteurs se disent que finalement, ça ne vaut pas le coup, dans le sens où évidemment, les gens, plutôt que de se dire tiens, je te prête, va voir ce film, c'est un film fascinant, vont plutôt avoir tendance à se prêter le DVD en se disant, tiens, je te prête le DVD. Donc voilà, le problème c'est que ce phénomène, il y a plein de problèmes, le problème c'est que ce phénomène, malheureusement, gagne aussi le DVD, puisque le DVD reste de moins en moins sur les linéaires des magasins, car il y a de plus en plus d'offres pour une demande, par contre, qui n'augmente plus. Les gens n'ont pas plus d'argent qu'avant. D'où des chiffres décevants, même pour des gros calibres comme Shrek 2 ou Les Indestructibles. Alors, après cette vision des choses qui peut paraître un peu alarmiste, mais qui, à mon avis, risque d'être vraie dans quelques temps, espérons juste que des irréductibles de la production continuent à se battre pour faire des films qui sortent des sentiers battus. Et moi, je vous parie qu'à ce moment-là, beaucoup se retourneront justement vers le cinéma d'animation. Alors, avant de parler de Yu Pei, avant de parler de Mr. Magoo et Jared McBoing-Bong, est-ce que quelqu'un, Franck ou Sébastien, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, cette inquiétude de voir les films finalement, les gros budgets sortir dans très peu de salles et qu'on n'ait plus la possibilité de voir autant de choses que maintenant? Ben, tu n'as... Sébastien. C'est marrant, tu n'as pas parlé des téléchargements pirates sur Internet et tout ça. Alors, c'est une très bonne question. J'en avais déjà parlé à une époque, ici même à cette antenne, et c'était pour expliquer que je pensais que, par rapport à l'animation en tout cas, il n'y avait pas autant de problèmes que ça par rapport aux téléchargements, que les téléchargements, mine de rien, n'embêtaient et ne posaient problème, finalement, à qui ? Qu'aux gros studios. Comme par hasard, car en fait, et encore même pas, puisqu'en fait les gros studios qui voient leurs films les plus téléchargés sur Internet, comme Le Monde de Nemo, fait aussi les meilleures recettes en DVD et finalement fait les meilleures recettes aussi en salle. Donc je pense que le téléchargement, au contraire, aide plutôt l'animation par exemple et les petits studios. Et finalement, on a peu de chances de retrouver un Satyajit Ray ou un Mizoguchi sur Internet. On en trouve, mais beaucoup moins. On en trouve, mais beaucoup moins qu'avant. Et je pense que c'est, tout simplement, là, c'est un problème sur lequel les autorités, évidemment, ne veulent pas s'asseoir. Il faudrait s'asseoir avec tout le monde, avec les gens qui téléchargent, etc. Et réfléchir à un moyen, faire payer une modique somme pour avoir un abonnement, un portail, on va dire, de téléchargement. Je pense que c'est juste à y réfléchir. Sincèrement, je pense que ça fait beaucoup moins de mal qu'on ne le dit, aussi bien au DVD qu'au film. Non, mais je ne parlais même pas pour ma part. Hein. Pour ce qui est de léser les multinationales qui distribuent des films à l'heure actuelle, mais plutôt que de se dire que par ces chemins de traverse, il y a des films qui gagneront en pérennité et en résidence sur des disques durs, sur des serveurs à moyen terme. Alors ça, c'est au entre la sortie salle et la sortie bien DVD, sûr. Ça, c'est au point exemple. de vue de l'animation, c'est quelque chose d'important. Après, il faudra de toute façon que ces téléchargements sur Internet, à un moment donné, puissent rapporter ne serait-ce que peu à des producteurs, et notamment aux producteurs courageux. Je pense, en effet, on en parlera avec Franck, par exemple, aux armateurs, qui en effet avaient produit Kirikou, qui avaient eu beaucoup de mal à produire Kirikou, qui a encore beaucoup de mal à produire Azur et Asnar, par exemple. Enfin, je ne sais même pas ceux qui le font finalement, mais en tout cas, Azur et Asnar, le prochain Michel Oslo, a beaucoup de mal à se produire. C'est le même monsieur qui a fait Kirikou, qui a fait 1 million d'entrées en salle. Et donc je pense que juste qu'à un moment donné, par contre, Internet va devoir aussi, à un moment donné, juste rétribuer un petit peu. Franck ? Moi, je suis assez étonné, en fait, par ce... Enfin, pas étonné, en fait, par le fait que les studios veulent absolument pouvoir sortir, même simultanément, des ventes télé, donc sur le câble, sur les chaînes nationales, et les ventes de DVD, qui sont vraiment la poule aux œufs d'or des temps modernes, pour même si ça marche beaucoup moins bien que ça a marché il y a 5 ans avec le début du DVD, avec les cassettes vidéo, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi la résultante d'une politique catastrophique et scandaleuse à mon sens, des gros distributeurs qui se sont transformés depuis 10 ans en vendeurs de pop-corn. Tout à fait. Qui n'ont plus du tout une politique intelligente, subtile, qui n'hésitent pas à balourder un film en cours de semaine d'exploitation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance laissée. Alors, il y a effectivement un réseau alternatif en France. Mais pour combien de temps ? Pour combien de temps ? Bon, on ne va pas dire que MK2 marche mal. Ils ont, oui. Du moins sur Paris... Voilà. Alors. Mais est-ce que MK2 devient de moins en moins alternatif Du fait justement, un truc, c'est qu'il devient de moins en moins alternatif, absolument. Mais en même temps, c'est intéressant parce que là, ça voudrait dire quoi ? Ça remettra en question carrément les gros distributeurs qui font quand même la pluie et le beau temps aujourd'hui dans le cinéma mondial. Même pas parisien, machin. Non, c'est mondial. C'est eux qui décident aux États-Unis. Ils ont une puissance extraordinaire, comme celle qu'ils ont en France. Et effectivement, c'est... qu'est-ce que ça va donner ? Alors là, par contre, je suis assez dubitatif sur la réponse. Je ne sais pas du tout. Mais ouais, ce qui peut juste être inquiétant, c'est que pourvu que les petits éditeurs et les petits distributeurs et les petits exploitants et les reins pas assez solides, mais que l'État les aide suffisamment pour quand même continuer à faire des films qui rapportent finalement assez peu d'argent, mais qui heureusement font plaisir. Parce qu'évidemment, leur public sur le long terme. Voilà, ça veut dire que même les politiques des petites salles qui distribuent un film pendant 6 mois, même si c'est une fois par semaine, voire un an, c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'on a la possibilité, notamment dans le cadre du film d'animation et au sein du cadre du film d'animation, le film d'animation pour enfants, on a la possibilité d'emmener ses enfants le dimanche à 16h, voire, je sais pas, mais ça c'est intéressant, ça c'est une approche intéressante. Et justement, donc la guéétude, évidemment, là n'est pas, et évidemment que la fenêtre se raccourcisse tellement qu'on n'ait plus le temps, qu'un petit distributeur n'ait pas le temps de voir son film rester trop longtemps. Au bout d'une semaine, il part, il n'a pas eu le temps de faire évidemment beaucoup d'argent, il suffit qu'il n'ait pas marché, c'est ce qui se passe en ce moment en tout cas. Évidemment, ça s'en ressent au niveau du DVD, puisque le film n'a pas marché. Un bon exemple, c'est Mercano le Martien, un des meilleurs films d'animation de l'année dernière, un film brésilien qui est resté en salle quasiment rien. Sébastien n'est pas d'accord, mais bon. Moi, je ne le connais même pas. Mais c'est non, c'est un très beau film, voilà. Et il est passé en salle pendant une petite semaine, et en DVD, ça doit être, à mon avis, une petite catastrophe aussi. Le film ne sera même pas acheté, il est distribué en DVD. Le film, à mon avis, ne sera même pas acheté en télé, ça se trouve sûrement pas. Donc voilà, il est fini. Voilà, c'était notre petite rubrique, en tout cas, par rapport à ça. Je ne laisserai pas Sébastien répondre sur Mercano le Martien. On va, avant de parler avec lui de Youpi et Mr. Magoo, et bien sûr de Gerald McBoing Boing, on va écouter un tout petit peu de musique, Noir Désir, avec une reprise de Brel, Ces gens-là.